Enseignement par le Vénérable Sayadaw Upanyaswamy, retraite de méditation Vipassana 2003, Centre d'Amarancy. Today, I would like to talk about my friend. This one. There are letters of my friend, written on the pen. Do you see on the pen the letters? Letters. Do you see on the pen the letters? In a circle, write Sila, Sila. Then start with Sada, then in a circle, Sada, Viriya, Sati, Samadhi, and Panya. Ce soir, je voudrais vous parler de mon éventail. Vous pouvez voir qu'il y a certaines inscriptions tout autour de ce cercle. Le mot « Sila » est écrit au milieu, et sur le cercle, il y a « Sada », « Viriya », « Sati », « Samadhi » et « Panya ». Au milieu, il y a donc « Sila ». « Sila », c'est la moralité. Autour du cercle, nous avons Sada, la confiance ou la foi. Ensuite, Viriya. Vous avez entendu parler très souvent de l'énergie ou de l'effort, c'est Viriya. Vous avez également très souvent entendu parler de Sati, l'attention. Vous avez entendu parler très souvent de Samadhi, la concentration. Et enfin, il y a Panya, la sagesse, dont vous n'avez pas encore entendu parler, même si hier je vous ai déjà expliqué en quoi consiste la non-illusion, et la non-illusion, c'est la sagesse, c'est Panya. La non-illusion, c'est la claire compréhension, Sampajanya en Pali. Je vais rapidement vous remettre en mémoire les quatre types de Sampajanya. La claire compréhension de ce qui est bénéfique, Sataka Sampajanya. La claire compréhension de convenance, Sapaya Sampajanya. La claire compréhension du domaine du yogi, Gochara Sampajanya. Et la claire compréhension de la non-illusion, Asammoha Sampajanya. Nous devrons donc pratiquer ces quatre types de claire compréhension. Et pour y arriver, il faudra développer les cinq facultés dont il vient d'être question. Les cinq facultés, ou six si on y inclut Sila. Comme vous le savez, la claire compréhension, c'est la vision claire, précise et complète des différents objets qui se manifestent à chaque instant à l'intérieur de nous. Lorsque vous notez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, par exemple, vous devez les voir clairement, complètement et de façon précise. Lorsque vous observez le pas gauche et ensuite le pas droit, lorsque vous faites deux notes à chaque pas ou trois notes à chaque pas, vous devez voir clairement, de façon complète et précise. Il ne faut pas faire d'erreur. S'il y a de la confusion, que vous faites des erreurs, c'est la preuve que vous n'avez pas encore réussi à développer Sampajanya. Votre attention n'est pas encore assez puissante. Pour voir l'objet clairement, de façon précise et complète, il faudra disposer de ces cinq facultés, Sada, Viriya, Sati, Samadhi et Panya. Ces cinq facultés sont appelées facultés mentales. Ces cinq facultés mentales, Sada, Viriya, Sati, Samadhi et Panya, doivent donc être développées et maintenues en équilibre. Elles doivent fonctionner de façon harmonieuse. Nous n'allons pas parler de Sila la moralité, car je l'ai déjà fait. si là est le fondement à partir duquel la pratique va pouvoir se développer. Je vous ai déjà donné un enseignement à ce sujet, nous n'allons plus en parler pour l'instant. Voyons les cinq facultés mentales. La première, c'est Sadda, la confiance ou la foi. C'est la confiance dans la pratique, dans la personne du Bouddha, celui qui a découvert cette méthode. C'est la confiance dans le Dhamma, l'enseignement lui-même. C'est la confiance dans les nobles disciples du Bouddha. Comment allons-nous développer la confiance? Nous allons développer Sadda par la pratique elle-même. Les instructions nous demandent d'être attentifs de façon précise à tout ce qui se manifeste en nous à chaque instant. Nous allons donc essayer de nous focaliser avec précision sur les différents objets qui se manifestent à l'intérieur de nous à chaque instant, sans nous poser de questions, sans réfléchir, sans nous demander par exemple « Pourquoi suis-je obligé d'observer l'abdomen ? Quel est le but de cette pratique ?» Au moment où l'on médite, il ne faut ni réfléchir ni analyser, il faut tout simplement suivre les instructions et noter de façon précise. Si on réussit à observer avec précision et dans l'instant présent, il est possible que l'on expérimente certaines choses. Nous percevrons peut-être les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Si nous réussissons à percevoir ces choses, la confiance va commencer à apparaître. Mais si vous n'êtes pas capable de noter les différents objets qui se manifestent à chaque instant, votre esprit va s'éparpiller, les pensées vont l'envahir, vous allez perdre le contrôle et ne verrez plus rien. Si vous ne voyez rien, il est impossible que la confiance se développe. Vous allez au contraire perdre confiance et les doutes vont commencer à se manifester. Vous allez commencer à vous poser certaines questions. Cette pratique peut-elle vraiment purifier l'esprit? Peut-elle nous mener à la victoire sur le chagrin et les lamentations? Peut-elle faire disparaître la souffrance physique et la souffrance mentale? Peut-elle mener à l'illumination? Il est possible donc que vous commenciez à avoir des doutes à propos de la pratique, tout simplement parce que vous n'avez rien expérimenté, vous n'avez pas réussi à percevoir quoi que ce soit dans les différents objets qui se sont manifestés. Dans les Écritures, on compare Sadda à la main. On la compare aussi à l'argent, aux biens matériels, et on la compare au sol. Pourquoi compare-t-on Sadda à la main? Sans main, il est impossible de se saisir de quoi que ce soit. Il est impossible de manger, il n'est pas possible d'écrire, de prendre quelque chose, puisqu'on n'a pas de main. Si nous n'avons pas confiance dans l'enseignement du Bouddha, que nous mettons en doute le fait qu'elle puisse purifier l'esprit, nous ne ferons aucun effort. Mais vous qui êtes ici, vous avez probablement confiance dans une certaine mesure puisque vous acceptez de pratiquer, vous croyez dans cette pratique. On peut donc dire que vous disposez de cette main à laquelle on compare Sadda. Sans argent, il est impossible d'acheter quoi que ce soit. Si vous vous rendez dans une grande surface et que vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez rien acheter. Pour acheter, il faut de l'argent. De la même façon, si nous n'avons pas Sadda, nous n'obtiendrons aucun résultat dans la pratique. Quand on pratique Vipassana, il est demandé de rester dans le domaine du yogi. Ceci veut dire qu'il faut pratiquer sans interruption les quatre établissements de l'attention. Il faut essayer de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, tous les mouvements du corps, Il faut pratiquer de façon respectueuse. Lorsque les sensations désagréables se manifestent, il ne faut pas les ignorer. Il ne faut pas capituler trop vite. Il faut au contraire se montrer patient et noter ces douleurs avec beaucoup de patience. Lorsque ce sont des pensées qui se manifestent dans l'esprit, il ne faudra pas non plus les ignorer, il faudra les noter objectivement, sans les laisser se développer. Lorsqu'il y aura contact sensoriel, que ce soit par l'œil, par l'oreille, le nez, la bouche, le corps ou l'esprit, il ne faudra pas non plus l'ignorer, il faudra le noter immédiatement. Telles sont donc les instructions. En d'autres termes, il faut pratiquer de façon diligente dans le but de comprendre la réalité telle qu'elle est vraiment. Si nous avons confiance dans la technique, confiance dans l'enseignement du Bouddha, nous nous efforcerons d'être très vigilants et veillerons à ne pas ignorer les objets, même si par moments il va nous arriver d'être distraits et d'oublier de noter. Nous nous efforcerons d'être attentifs, nous fournirons un effort, car nous disposons dans une certaine mesure de la confiance dans la pratique. C'est pour toutes ces raisons que l'on compare Sadda à l'argent, à la puissance matérielle. On compare également Sadda au sol, au fertilisant. Un sol de bonne qualité va permettre aux plantes de pousser facilement et elles porteront des fruits en abondance. Mais si le sol est pauvre, que l'engrais est de mauvaise qualité, la végétation ne va pas se développer et les plantes ne porteront pas beaucoup de fruits. De la même façon, si notre confiance, notre sadda est faible, nous n'aurons pas la motivation pour pratiquer de façon diligente et en conséquence, nous ne verrons pas clairement les objets. C'est la raison pour laquelle on compare sadda au sol ou à l'engrais. La deuxième faculté, c'est viriya, dont vous avez souvent entendu parler. C'est l'énergie, l'effort. Au cours de notre cheminement, nous aurons besoin d'une énergie physique et d'une énergie mentale. Il faudra méditer de façon diligente. Je vous ai déjà parlé des trois types d'efforts, l'effort initial, l'effort libérateur et l'effort progressif. Ces trois types d'efforts devront être développés au cours de notre cheminement. La troisième faculté, c'est sati, l'attention. Nous devrons être attentifs sans interruption. Pour le méditant, être attentif, c'est noter à chaque instant. Lorsque vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il ne suffit pas de le faire 4 ou 5 fois. Il faudra le faire pendant toute l'heure. Et lorsque la séance en posture assise, vous allez vous lever, mais devrez le faire en restant très attentif. Il faudra emmener l'attention partout où vous vous rendrez. Vous devrez être attentif à tous les mouvements que vous serez amené à faire. Hier, je vous ai expliqué qu'après 1 heure de méditation en posture assise, il ne faut pas se dire que l'heure est terminée, qu'on peut relâcher l'attention, qu'on peut se relaxer en prenant une boisson sans être attentif, qu'on peut regarder de tous côtés sans être attentif. Ce n'est pas ainsi qu'il faut se comporter. Si vous le faites, vous allez interrompre l'attention et la compréhension sera compromise. Lorsque vous vous levez après la séance de méditation en posture assise, vous devez emmener votre attention avec vous et continuer à noter sans interruption. C'est cela l'effort dont il est question. Cet effort est à la fois physique et mental. La quatrième faculté, c'est samadhi, la concentration. Si nous sommes attentifs de façon ininterrompue, que nous notons les différents objets qui se manifestent à chaque instant, l'esprit finira par atteindre la cible à chaque coup. Lorsque vous noterez le mouvement de soulèvement de l'abdomen, votre esprit va atteindre cet objet, il va y adhérer, il ne s'éparpillera pas. Si vous notez très soigneusement, l'esprit restera collé à l'objet. Lorsque l'abdomen va s'abaisser, vous allez noter abaissement, votre esprit va heurter la cible, il ne va pas s'éparpiller. Au moment où vous notez attentivement, la concentration est automatiquement présente. Mais ici, c'est de la concentration momentanée, Kanika Samadhi, dont il est question. C'est ce type de concentration que vous devez développer. Elle doit devenir puissante. Si Kanika Samadhi est faible, il ne sera pas possible de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Au moment de l'entretien, si vous dites que vous ne réussissez pas à voir quoi que ce soit dans les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, c'est la preuve que Kanika Samadhi n'est pas encore très développée chez vous. Même si vous réussissez à noter correctement à 5 ou 6 reprises. Il faut savoir que l'esprit est très rapide, qu'il est souvent dominé par l'ignorance, il n'est pur que par moment. Au moment précis où il note les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il est très concentré pendant une fraction de seconde. Mais ceci n'est pas suffisant pour voir les choses clairement. La concentration n'est pas assez forte. Dès que Kanika Samadhi se sera donc renforcé, vous pourrez voir les choses très clairement et à l'entretien, vous expliquerez que vous avez pu très facilement ressentir les mouvements dans la région de l'abdomen, que pendant la marche, vous avez pu expérimenter le mouvement. Et ceci est très bien, car au début, c'est le mouvement qu'il faut s'efforcer de percevoir, que ce soit dans l'abdomen ou au moment de la marche. Ressentir le mouvement, c'est la sagesse, c'est l'expérimentation, c'est la compréhension. La dernière faculté, c'est Panya, la sagesse ou vision parfaite, complète, précise. Lorsque vous notez le mouvement de soulèvement de l'abdomen, il faut le voir de façon complète, précise et claire. Si vous avez réussi à voir de cette façon, vous pourrez très facilement l'expliquer à l'entretien. Il y a 3 niveaux de connaissance. Sutamayapanya, Chintamayapanya et Bhavanamayapanya. Sutamayapanya, c'est la compréhension intellectuelle, celle qui vous vient de vos lectures ou de l'écoute d'enseignement. Vous comprenez intellectuellement en quoi consistent les phénomènes physiques Rupa, les phénomènes mentaux, Nama, vous comprenez intellectuellement les causes et les effets, mais vous n'avez pas expérimenté dans la pratique, ce n'est pas une connaissance réelle. Chintamayapanya, c'est la connaissance qui résulte de la déduction logique, de l'analyse. Vous réfléchissez à propos de Nama, à propos de Rupa, et vous en concluez que ceci ou cela doit être Nama ou Rupa. Mais de nouveau, ce n'est pas une connaissance véritable. La seule connaissance véritable, c'est la 3e, Bhavanamayapanya, celle qui vient de la pratique de l'expérience. C'est ce 3e niveau de compréhension que l'on s'efforce d'acquérir par la méditation. C'est la connaissance expérimentale, Bhavanamayapanya, qui est la seule connaissance véritable. Les 2 premières, Sutamayapanya et Chintamayapanya, sont insuffisantes. Dans le Dhammapada, il est dit « La sagesse vient de la méditation, sans méditation, la sagesse est perdue. » Ce sont les paroles du Bouddha. Nous devons donc pratiquer la méditation si nous voulons comprendre en profondeur la nature des choses. Il n'est pas possible d'acquérir cette troisième forme de connaissance à l'université ou à l'école. Il faut obligatoirement pratiquer. Les cinq facultés mentales devront fonctionner en harmonie. Elles doivent être maintenues en équilibre. Il faudra harmoniser viriya et samadhi. Ces deux facultés, énergie et concentration, sont en interaction. Si l'effort viriya est intense, la concentration va s'approfondir. Lorsque la concentration devient très profonde, l'énergie s'épuise. Il faudra donc veiller à maintenir constamment ces deux énergies en équilibre. Elles doivent être en harmonie l'une par rapport à l'autre. Voyons tout ceci d'un point de vue concret. Nous pratiquons les quatre établissements de l'attention, l'objet primaire étant les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. On nous demande d'observer très attentivement ces mouvements, de pratiquer l'attention pure en fournissant un puissant effort. Si nous ne réussissons pas à suivre ces deux mouvements de façon précise, cela veut tout simplement dire que l'effort est insuffisant, il est faible. Le yogi explique à l'entretien qu'il essaye de suivre les mouvements mais qu'il n'y arrive pas. « Je me sens somnolent, dit-il, mon esprit est engourdi, j'ai beaucoup de pensées, je suis incapable de suivre ces mouvements. » Tout ceci est dû au fait que l'énergie mentale et l'énergie physique sont insuffisantes. Il est même possible que le corps s'affaisse et tombe. Tout ceci prouve que l'énergie est faible. Viriya et samadhi ne sont pas harmonisés. Tant que l'énergie sera faible, il ne sera pas possible d'avoir la concentration. Ce type de yogi manque donc d'énergie physique et mentale. Mais il y a un autre type de yogi, celui qui note très facilement tout ce qui se manifeste aussi porte sensorielle. Ce yogi est capable de maintenir son attention pendant toute la durée du soulèvement en notant très attentivement, de façon très précise, sans être distrait. Lorsqu'il y a des pensées, ce yogi est capable de les noter à l'instant même où elles se manifestent. Il répète mentalement « pensée, pensée », son esprit ne s'éparpille pas. Il reste fixé sur les mouvements de l'abdomen qu'il est capable de suivre avec beaucoup de précision. Ce yogi a donc une bonne concentration. Son esprit ne vagabonde pas. Il peut suivre le mouvement de l'abdomen du début à la fin. Mais tôt ou tard, ce yogi va se plaindre de ne plus être capable de suivre les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Son esprit est devenu lourd. Il somnole, alors qu'avant, ses mouvements lui apparaissaient très clairement. Il faut savoir que lorsque le yogi réussit à noter très clairement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, sa concentration est devenue très bonne. À cause de cette forte concentration, l'esprit va petit à petit devenir somnolent. Le méditant va être envahi par la torpeur. C'est pourquoi, à l'entretien, ce méditant explique qu'il réussit à noter très facilement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il peut les observer du début à la fin, mais qu'après 20 ou 30 minutes, il commence à se sentir somnolent et devient petit à petit incapable de suivre ses mouvements. Le professeur l'observe très attentivement, il observe son comportement il écoute attentivement son rapport et en conclut que tout ceci est vrai, car visiblement ce yogi a une bonne attention, une bonne concentration. S'il n'est plus capable de suivre attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, c'est justement parce que son esprit est très concentré. Pour y remédier, le professeur va lui conseiller de multiplier les objets d'attention. Au lieu de noter simplement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il devra noter soulèvement, abaissement, assis, toucher. Il ajoute donc deux objets d'attention. Ce méditant a maintenant quatre objets d'attention. Ceci va peut-être rendre son esprit plus alerte. Mais on dit qu'un tel méditant équilibre les facultés. Il équilibre samadhi et viriya. Mais pour noter quatre objets, il devra fournir un effort tout particulier. S'il ne le fournit pas, il ne réussira pas à le faire. Après quelques jours, ce méditant a pris goût à cette façon de noter et à l'entretien, il explique qu'il est de nouveau capable de noter très facilement et avec précision. Le professeur va écouter très attentivement ce que le yogi lui explique et va éventuellement lui donner des instructions complémentaires. S'il est devenu facile pour lui de noter quatre objets, il va peut-être lui demander certaines choses dans le but d'équilibrer viriya et samadhi. Le yogi ne sait pas comment il doit procéder pour équilibrer sa pratique. Il faut qu'il reçoive les conseils d'un professeur, il faut qu'il soit guidé. Saddha et Panya fonctionnent également en interaction. Elles doivent être en équilibre. Si l'une est faible par rapport à l'autre, il ne sera pas facile de progresser. Si par exemple vous avez trop de confiance, trop de saddha, il est possible que vous n'ayez pas beaucoup de discernement et que vous vous lanciez dans certaines activités sans réfléchir au préalable pour voir si c'est approprié. Et si c'est panya, la sagesse, qui est en excès, vous pourriez penser qu'il est inutile pour vous d'être attentif de moment en moment puisque vous avez déjà tant de connaissances. Quant à sati, l'attention, elle est indépendante, elle n'est associée à aucune autre faculté. Si vous êtes attentif de façon continue, c'est parfait car on n'est jamais trop attentif. L'attention n'est jamais en excès. Si vous réussissez à être attentif de moment en moment, c'est excellent. Hier, je vous ai parlé de sampajanya, la claire compréhension. Il faut pratiquer la claire compréhension en posture assise, en marche et dans les activités quotidiennes. Il faut s'efforcer de développer l'attention le plus possible. Plus l'attention est forte, mieux on voit. Et les progrès dans la méditation n'en seront que plus rapides. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Puissiez-vous être heureux et en paix, puissiez-vous pratiquer la méditation de façon diligente, puissiez-vous comprendre clairement le Dhamma, puissiez-vous atteindre Nibbana. So these are called five mental faculties. Today I'm trying to explain. I will stop here for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. Then may you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.